Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Québec de l'Homère Gouin. Je la vois, cette nation, répartie en plusieurs communautés, réglant chacune ses affaires internes, mais liées entre elles par la liberté des institutions, des relations et du commerce. L'Homère Gouin, lors d'un discours prononcé à l'occasion des célébrations du 1er juillet 1927, ce qu'on vient d'entendre résume assez bien la vision qu'a l'Homère Gouin du pays, plus autonomiste que nationaliste. L'Homère Gouin est d'abord soucieux du développement économique de ce Québec du début du 20e siècle qui s'urbanise et qui s'industrialise à la vitesse grand V. C'est mon père qui a commencé, n'est-ce pas, à préparer, si je peux dire, l'avenir économique de la province de Québec. Et c'est lui qui a annexé, par exemple, pour vous donner un exemple, qui a annexé le territoire de l'Ungava à la province de Québec, ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Québec, et qui possède, comme vous le savez, d'immenses ressources minières et également hydrauliques. C'est lui également qui a ouvert à la colonisation et par ricochet à l'industrialisation le territoire de l'Abitibi, où l'on a découvert par la suite des mines d'une très grande richesse. Et comme il prévoyait, n'est-ce pas, une évolution dans l'avenir économique de la province de Québec, que ça deviendrait de plus en plus industriel, il a fondé des écoles pour former des spécialistes, comme l'École des hautes études commerciales, les écoles techniques et les écoles polytechniques. Et enfin, c'est lui tout de même qui est le père de la voirie de la province de Québec. C'est lui qui a construit ce qu'on appelait à l'époque les bonnes routes, n'est-ce pas, qui évidemment ne se comparait pas aux autostrades d'aujourd'hui, mais qui a permis quand même à la civilisation et à l'industrie de pénétrer un peu partout à travers la province de Québec. Paul Gouin, l'ancien chef de l'Action libérale nationale, le fils de l'Homère Gouin, à l'émission Aujourd'hui, le 1er avril 1965. Pour nous présenter le parcours de l'Homère Gouin, je reçois le politologue et historien Jean-Charles Panton, habitué de l'émission. Jean-Charles Panton, bonjour. Bonjour. Pourquoi une émission sur l'Homère Gouin, Jean-Charles Panton? Bien, peut-être parce que l'Homère Gouin a été premier ministre pendant 15 ans et il a fait un nombre de choses assez considérables en économie, en matière sociale, en éducation, beaucoup de choses. On l'a souvent considéré comme étant plus conservateur, mais dans les faits, il est progressiste sur certaines questions. C'est un mélange, en fait, de son époque entre conservatisme. En phase avec son temps, en fait. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Tout à fait. Donc, même s'il y a ce côté conservateur, il voit bien que ce Québec-là, le Québec du début du 20e siècle, s'industrialise, s'urbanise. Il prend acte et il agit. Et il agit. Si on prend les écoles techniques, ben, avec l'industrialisation, on a besoin de plus en plus de techniciens dans l'économie de ce type d'emploi-là. Et donc, il va travailler sur cette question-là, comme en urbanisation ou en matière de voirie également. Voilà. Oui. Parlons un petit peu de ses origines, parce que sa famille, au premier degré, va avoir une incidence sur là où il se situe dans la famille politique québécoise, dans cette constellation politique du début du 20e siècle. C'est le gendre de l'ancien premier ministre du Québec, Honoré Mercier. Ça va avoir une importance sur ses relations, par exemple, avec Wilfrid Laurier. Et ça nous en dit beaucoup sur, justement, son appartenance. Comment le situer dans cette constellation politique du début du 20e siècle? Bien, il va toujours se positionner politiquement comme étant un peu le successeur d'Honoré Mercier. Donc, il va toujours revendiquer, il va être très autonomiste, en fait, par rapport au gouvernement fédéral, entre autres sur la question des subsides, du versement que Ottawa verse aux provinces, ces fameux subsides-là qui, la question fiscale, on le voit, est dans l'histoire du Québec depuis longtemps, et elle est à cette époque-là, elle est centrale à cette époque-là comme telle. Donc, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans ce courant-là très autonomiste, un peu nationaliste, on peut dire à certains moments il va flirter avec le nationalisme, mais somme toute, c'est un fédéraliste, c'est quelqu'un qui croit au Canada fondamentalement. Pas aussi nationaliste qu'Henri Bourassa, par exemple. Ah, pas du tout, non, pas aussi nationaliste qu'Henri Bourassa, même s'il va toujours tenter de satisfaire un peu les revendications des nationalistes avec qui il a maille à partir souvent. Hein. Avec Henri Bourassa, souvent, il va y avoir des débats dans la société entre les deux. Il va mettre en place un certain nombre de mesures pour répondre à ces attentes-là comme telles. Donc, il va le voyer souvent sur différentes questions, mais c'est quelqu'un qui demeure, à certains égards, progressiste, comme on le mentionnait, conservateur parfois, autonomiste, absolument. Il va faire mener un certain nombre de batailles et les gagner, oui. En bout de ligne. Quand est-ce qu'il commence à faire de la politique active, à s'intéresser à la politique active? Il va se présenter rapidement une première fois aux élections fédérales de la fin du siècle, mais essentiellement, sa carrière politique à Québec commence en 1897. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il devient député. Il va aussi se faire élire comme échevin, mais bon, disons que, grosso modo, sa carrière politique principale, celle qui se passe à Québec, commence à la fin du siècle. Il va être nommé ministre de la colonisation dès le départ, en 1901, dans le gouvernement de Simon-Napoléon Parent. Ouais. Et c'est là qu'il commence véritablement sa carrière politique. Mais en 1905, il se passe quelque chose d'important pour lui et pour l'ensemble du Québec. Lomer Gouin devient premier ministre du Québec, mais c'est important et significatif parce qu'il devient premier ministre du Québec dans des circonstances assez particulières. Le journaliste Laurent Laplante parle de ce contexte bien particulier à l'émission Portrait en 1982. Aussitôt que l'élection est terminée, les libéraux se retrouvent de fait à peu près seuls en chambre. Il reste à peu près 5 conservateurs. Et là, entre libéraux, le linge sale va se laver. On va régler les comptes. La grande majorité des députés sont prêts à suivre Gouin plutôt que Parent. Et ils poussent l'audace jusqu'à menacer Parent de déclencher une enquête sur sa propre administration comme ministre responsable des terres de la Couronne. Tout cela, évidemment, est une forme d'ultimatum pour amener le premier ministre Parent à démissionner. Les deux hommes, Gouin et Parent, se tiennent mutuellement un peu comme deux chevreuils qui essaient de se battre. Les cornes sont emmêlées les unes aux autres. Parent ne veut pas d'enquête, mais il détient le pouvoir. Gouin veut le pouvoir et il ne tient pas à affaiblir trop le Parti libéral, sinon c'est lui qui, tantôt, sera pris pour recoller les morceaux cassés. Laurier, comme d'habitude, s'occupe de la conciliation. Il vient voir tout ce beau monde et il fait entendre raison à chacun. Parent démissionne, Parent devient président de la commission de construction du Transcontinental et Lomer Gouin, en mars 1905, de par la volonté de Wilfrid Laurier, devient premier ministre. Il ne manque pas d'observateurs, cependant, pour trouver un peu indélicate la façon qu'a eu Gouin d'accéder au pouvoir. Indélicate, oui, cette façon d'accéder au pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, c'est un putsch, véritablement, Jean-Charles Paneton, qui est organisé. Pourquoi ce coup de force de Lomer Gouin en 1905? Bien, en fait, Parent est quelqu'un qui est très autocratique. C'est quelqu'un qui ne discute pas. Il indispose beaucoup de gens au sein même du parti. C'est quelqu'un, il y a quelques audaces, on peut dire, de scandales qui tournent aussi autour de son administration. En fait, tout ça entache l'image générale du Parti libéral. Et donc, Gouin décide littéralement de faire un putsch. Il va s'associer à deux autres ministres importants du cabinet. Il faut le rappeler, à l'époque, petite précision, il n'y a que 8 ministres dans un cabinet. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc, s'il y en a 3 sur 8 qui démissionnent, c'est que ça ébranle quand même le gouvernement. Et il y a près de 44 députés qui vont suivre Gouin et ces deux ministres-là. Donc, le gouvernement est complètement déstabilisé et Parent n'a d'autre choix que de démissionner comme tel. Ouais. Donc, il devient premier ministre en mars 1905. Quel genre de premier ministre va-t-il être? Bien, il est très différent de Parent. Il est loin d'être autocratique. C'est quelqu'un qui favorise le compromis, la discussion. C'est quelqu'un qui a pas mal d'idées aussi sur la façon de gérer, par exemple, les relations fédérales provinciales qui vont être assez différentes de celles de Parent. C'est quelqu'un qui, on l'a dit, qui est autonomiste et qui, donc, sur la question des subsides, va vouloir revendiquer beaucoup plus que le gouvernement Parent l'avait fait précédemment comme tel. Donc, c'est un premier ministre qui fait bien les choses. C'est un fin renard politique. Il sait bien jouer aussi sur les différentes mouvances présentes au sein du Parti libéral et de la société pour s'allier parfois aux progressistes, qu'on appelle à l'époque les radicaux, mm-hmm. et aussi s'allier aux nationalistes qui sont très importants et qui ont à leur tête Henri Bourassa. Ouais. Le fils de Lomer Gouin, Paul Gouin, on l'entendait au tout début de l'émission, disait « Mon père, c'est l'homme du développement économique ». C'est vrai, mais dans un contexte particulier, bien sûr, celui du début du 20e siècle. Comment décrire ce contexte-là, Jean-Charles Paneton? Quelle forme vont prendre, par exemple, les politiques de développement économique de Lomer Gouin? C'est une explosion. On assiste à une croissance économique phénoménale au Québec à cette époque-là. On assiste à une grande urbanisation. En fait, le Québec se transforme complètement et assez rapidement, d'ailleurs. Donc, urbanisation, croissance économique importante, industrialisation aussi, oui. dans les grandes villes. En fait, tout ça est interrelié, évidemment. Et donc, Gouin est très au courant et sent très, très bien les changements qui s'inscrivent dans la société québécoise. Oui. Et donc, au niveau économique, bien sûr, il va faire comme ses prédécesseurs, conservateurs et comme ceux qui vont lui succéder, il va toujours vouloir aller chercher les capitaux étrangers, que ce soit les capitaux américains ou anglo-canadiens. C'est par là que ça les passe. Grandes compagnies, c'est par là que ça passe. Là-dessus, ouais. Il n'y a pas de changement. C'est assez conservateur, assez... En fait, ça s'inscrit dans l'approche du libéralisme classique, comme on l'appelle. Mais il va tout de même amener certaines réformes qui, aujourd'hui, peut-être nous apparaîtraient un peu légères, mais qui, à l'époque, sont très importantes et vont avoir une portée immense sur l'économie québécoise. Sur la question de l'hydroélectricité, par exemple, il va mettre en place la Commission des eaux du Québec. Donc, c'est une commission qui va pouvoir construire certains barrages sur des rivières. Mm-hmm. Bien sûr, il est clair à cette époque-là qu'on ne veut pas concurrencer l'entreprise privée. C'est pas l'objectif. Mais c'est tout de même une première mesure qui est importante au niveau de... En fait, l'idée de développer les ressources, de développer le Nord aussi. De développer le Nord, effectivement aussi. Bien, il va rattacher rapidement, il va obtenir d'Ottawa Longava. Donc ça, ouais. C'est un vaste territoire, on le sait, avec tout son potentiel minier, etc. Donc il a cette vision-là d'un côté. La question de l'hydroélectricité, très importante aussi. Donc il protège, en fait, aussi la ressource en disant qu'à partir de... Donc il passe une loi là-dessus, on ne va plus vendre la puissance hydraulique du Québec, on va la louer à part bail emphytéotique. Donc, c'est des changements qui semblent mineurs, mais qui sont très importants. Et la, disons, mesure la plus importante de ce gouvernement-là, c'est l'obligation, en fait, qui va obliger les compagnies de bois qui viennent chercher le bois dans les forêts publiques à transformer ce bois-là au Québec. Ouais. Et c'est la naissance de l'industrie des pâtes et papier, dont on connaît ben, l'importance, c'est phénoménal au Québec. L'industrie des pâtes et papier, ça l'était pendant longtemps, disons. On le sait, ça, si 50 ans plus tard, cette industrie-là va compter plus de 100 000 travailleurs, va générer des revenus incroyables, des travailleurs autant en usine qu'en forêt. Donc, c'est immense ce qu'il va créer avec cette mesure-là. Ouais. Donc, et ça nous en dit beaucoup sur le bonhomme. Oui, c'est le capital privé. Le développement de l'économie, c'est pas l'affaire de l'État. C'est essentiellement l'affaire du secteur privé. Mais ça, c'est une mesure plus que progressiste. C'est une mesure interventionniste. Vous pouvez accéder à notre bois, couper notre bois. Sur nos terres publiques, évidemment. Mais vous allez transformer ce bois-là. Vous allez transformer le bois, la matière première, vous allez la transformer. Donc, ça crée cette immense industrie de transformation-là qui est phénoménale. Et aucun gouvernement dans la suite, il faut peut-être attendre René Lévesque avec la nationalisation des compagnies hydroélectriques dans les années 60, mais aucun gouvernement ne mettra de l'avant une mesure de cette ampleur-là par la suite. Ouais. Autre exemple intéressant de la complexité de l'homme Ergouin, on l'évoquait un petit peu au début de l'émission, il est témoin de son temps, il prend acte et il agit, développement économique important, industrialisation, urbanisation, ce qui fait qu'il va adopter des mesures très progressistes pour le temps quant à la protection des travailleurs. Il le voit, ce Québec s'industrialiser, et il réagit. Et il réagit, effectivement, sur la question sociale. Donc, il va mettre en place quelques lois, on peut le dire embryonnaires, tout de même, sur les conditions de travail, la question de la sécurité au travail. Il va interdire le travail des enfants de moins de 14 ans en usine. Ce sont donc des mesures qui, aujourd'hui, nous semblent un peu aller de soi, mais qui, à l'époque, sont des mesures qui sont très, très importantes. Il va aussi limiter le nombre d'heures de travail d'un ouvrier. Donc, ça, on ne peut pas, en une semaine, dépasser plus de 58 heures. Ouais. Ce sont quand même de premières mesures qui, par la suite, évidemment, vont être bonifiées par les gouvernements qui vont succéder. En milieu de travail. Les accidents en milieu de travail. Il va créer une commission. Donc, il va y avoir une certaine protection qui, bien qu'elle soit minimale, est tout de même un premier pas qui est important. Oui. Autre élément intéressant, quand on parle de ce Québec du début du 20e siècle qui s'industrialise et qui s'urbanise, là-dessus aussi, le maire Gouin a un instinct qui vaut la peine d'être souligné. Il voit cette industrialisation et cette urbanisation. Il croit au potentiel des villes. Et c'est lui, donc, qui va créer le ministère des Affaires municipales. Il va créer le ministère des Affaires municipales. Donc, il constate l'urbanisation importante. Il constate que cette question-là, elle est centrale. Elle accompagne l'industrialisation, évidemment. Tout ça se tient. Il va donc créer un ministère des Affaires municipales. Il crée aussi un ministère de la voirie parce que la question de l'automobile, la popularité en fait de l'automobile est grandissante, donc on doit construire des routes. Alors il va mettre en place un ministère de la voirie pour justement amener des routes, évidemment en ville, mais aussi dans les campagnes, parce que c'est un vecteur économique très important d'amener les routes dans les campagnes pour l'exploitation, entre autres, du bois, etc., des matières premières. Donc il est très, très attentif et sensible à toutes ces questions-là dans ce dans ce contexte de bouleversement-là que connaît le Québec. Ouais. Revenons à la vision qu'il a, le maire Gouin. En fait, on poursuit sur cette vision qu'il a du développement économique. D'abord, c'est quelqu'un qui a des budgets équilibrés, donc c'est quelqu'un qui gère prudemment les finances de l'État. En même temps, c'est quelqu'un qui est très ouvert donc au capital privé, avec tout ce que ça veut dire. Puis il y aura assez vite des allégations, possibles malversations, corruption. Il y a une élection qui est importante. On va revenir à Henri Bourassa, dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission, l'élection de 1908. Ça commence à atteindre les libéraux de Gouin, ces histoires de corruption possibles. Ils vont perdre en 1908 10% de leur voix, les libéraux. Ce qui est énorme. Henri Bourassa entre à l'Assemblée nationale avec cette élection-là. En fait, il va battre même Gouin dans sa circonscription. Mais Gouin, à ce moment-là, il peut se présenter dans plus qu'une circonscription. Oui, c'est un peu comme le maire de Montréal. Présentement, on peut avoir un échevin qui se présente dans une autre circonscription ou dans un autre. Donc oui, il va pouvoir rentrer quand même à l'Assemblée. Mais il se fait battre par Henri Bourassa, ce qui est quand même assez important là, comme événement. On écoute Paul Gouin, son fils, à l'émission aujourd'hui, en avril 1965, parler de la relation, de la rivalité, en fait, entre Henri Bourassa et le maire Gouin, puis on en discute tout de suite après. Jean-Charles Paneton. Pour mettre en valeur nos ressources naturelles, mon père, à ce moment-là, n'a pas eu recours au capital étranger. On l'a beaucoup blâmé, mais je crois, et tous les gens de bonne foi, je crois, l'admettront, qu'à ce moment-là, c'était la seule façon de procéder. Parce qu'à ce moment-là, avoir parlé d'étatisation, n'est-ce pas, évidemment, les esprits n'étaient pas mûrs pour ça. Alors, c'est lui qui a introduit le capital étranger pour développer, à certaines conditions, nos ressources naturelles. Et maintenant, les luttes, mon Dieu, étaient des luttes, c'était de l'administration, mais il y a eu également une lutte épique, n'est-ce pas, lorsque M. Henri Bourassa est venu à Québec en 1908, dans l'opposition. Il était accompagné de Armand Lavergne et également de Jean Prévost, qui avait fait partie du ministère de mon père, mais qui l'avait quitté sur des questions, disons, de principe. Et là, évidemment, la lutte était très dure parce que, comme vous savez, M. Bourassa était un tribun remarquable, qui, sur certains points, était bien en avant de l'opinion publique, qui n'était pas un homme pratique comme mon père, n'est-ce pas? Ils avaient probablement les mêmes idées, seulement ils différaient sur les moyens d'y arriver. Précisément, la question de l'exploitation des ressources naturelles, n'est-ce pas? Que critiquait l'exploitation de ressources forestières également, que critiquait, et avec raison, je crois, dans certains cas, M. Bourassa. Alors ça, c'était une phase importante dans la carrière de mon père. Alors, quel genre de rapport ils vont avoir, le maire Gouin et Henri Bourassa, Jean-Charles Paneton? Bien, au départ, ce sont une relation qui est assez tendue parce que politiquement, ils s'opposent sur un certain nombre de questions. Il y a la question d'une certaine odeur de corruption, disons, mais qui passe assez vite, somme toute. L'élément fondamental qui oppose les deux hommes, c'est la question, justement, de l'exploitation des ressources naturelles au Québec. En fait, Henri Bourassa accuse Gouin, comme ses prédécesseurs, de donner à l'étranger l'ensemble des ressources naturelles. C'est un discours qu'on va entendre souvent et longtemps pendant ce siècle-là, évidemment. Mm-hmm. Mais Gouin n'est pas insensible à cette question-là et les mesures qu'il met en place pour sécuriser, si on peut dire, entre guillemets, certaines ressources naturelles, comme plutôt que de vendre la puissance hydraulique, on la loue par bail amphithéotique, la question des pâtes et papiers, tout ça, vont faire en sorte que la pensée d'Henri Bourassa va évoluer sur Gouin, à tel point qu'à un moment donné, Gouin va être même apprécié par Henri Bourassa, qui réhabilité, en quelque sorte, à partir de ces prises de position-là et d'autres aussi, dans certains dossiers que Gouin va traité de manière privilégiée pour s'assurer d'avoir l'appui des nationalistes. Ouais. Et en fait, ça nous amène à parler de deux dossiers nationaux où le maire Gouin va probablement s'attirer les faveurs de Henri Bourassa, la crise de la conscription, on y vient dans un instant, mais d'abord, la question des Franco-Ontariens et l'adoption du fameux règlement 17 par le gouvernement de l'Ontario. Rappelez-nous d'abord ce que c'est, ce règlement 17, et quelle position, quel rôle va jouer Gouin par rapport à ce dossier-là, qui n'est pas un dossier québécois. Il faut peut-être rappeler au départ que les Franco-Ontariens sont de plus en plus nombreux, donc il y a une croissance démographique importante et que certains éléments, certains anglophones, disons, de l'Ontario, se sentent un peu menacés par cette croissance démographique-là, ce qui explique le règlement 17. Ce que ça veut dire essentiellement, le règlement 17, c'est qu'on permet aux enfants, aux Franco-Ontariens d'aller à l'école, donc de faire deux premières années en français, mais tout le reste des études doit se faire uniquement en anglais. Donc, dès la troisième année du primaire, dès la troisième année du primaire, ça se passe uniquement en anglais. Et donc, ça va faire réagir non seulement les Franco-Ontariens, bien sûr, qui vont se mobiliser fortement, mais tous les Canadiens français, hein, comme on les appelait à l'époque. Au Québec, ça a des résonances importantes. Henri Bourassa va rugir sur cette question-là. Si bien que Gouin doit se positionner rapidement sur une une question qui peut être embêtante, puisqu'on intervient rarement dans les affaires internes des autres provinces, mais devant la réaction populaire, réaction des nationalistes, il décide de condamner ce règlement 17-là. Et donc, sans engager le gouvernement du Québec, il va tout de même permettre aux commissions scolaires, etc., à certains organismes publics, de venir en aide financièrement et en ressources à ces franco-ontariens-là. Ouais. Autre dossier qui aura un écho national, la fameuse crise de la conscription, ça va jouer dur, il y aura des morts lors d'une manifestation à Québec en 1917. Où se situe le maire Gouin sur cette question-là? Mais la question, Lomergoin a toujours été d'accord avec l'effort de guerre. Hein. Il était prêt à ce que des Canadiens français s'engagent dans la guerre, prêt aussi à ce qu'on alloue des ressources à l'effort de guerre comme tel. Là où il est opposé, c'est sur la question de la conscription. Donc, l'obligation d'enrôlement des Canadiens, là-dessus, il n'est pas d'accord du tout. Et donc, avec l'élection d'un gouvernement conservateur à cette époque, donc, qui fait de la question de la conscription son engagement central, principal, il est élu, ce gouvernement conservateur-là, et il va voter la conscription. Et Gouin va se sentir coincé carrément sur la question. Il va décider de réagir, disons, en laissant passer à l'Assemblée, au Parlement, la fameuse motion Franca, comme on le mentionne. Essentiellement, c'est une motion qui remet en cause le lien fédéral. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les réactions, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de manifestations. Il va même y avoir des morts à Québec. L'armée canadienne va ouvrir le feu sur la population. Il faut comprendre qu'il y a une énorme réaction des Canadiens français, opposés, évidemment. Et tout le reste du Canada, le Canada anglais, va réagir fortement en accusant pratiquement les Canadiens français d'être des traîtres au Canada. Et donc, Gouin est dans une situation intenable, lui qui est fédéraliste, etc. Et donc, cette fameuse motion Francoeur-là remet en question le lien fédéral en disant peut-être que si on est considéré comme des traîtres, finalement, bien, peut-être qu'on n'est pas dans le bon pays, peut-être que donc ce lien-là fédéral qu'on a construit n'est peut-être pas bon, n'est peut-être pas le bon lien à faire. Il va laisser la motion évoluer, évidemment, mais à un moment donné, il va la retirer, il va la laisser mourir au feuilleton. Il n'ira pas plus loin que ça. Donc, s'en sert politiquement, mais à un moment donné, ça va trop loin. Absolument. Ouais. Et elle est qualifiée, cette motion-là, à l'époque, comme étant presque une mesure, on parle presque de séparatisme. Ouais. À ce moment-là, ce qui est tout de même important de la part d'un gouvernement comme fédéraliste, comme celui de Lomergoin. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient, Lomergoin? Il démissionne d'abord au fait de sa popularité comme premier ministre du Québec en 1920. Pour devenir quoi? Ben, Lomergoin décide de se lancer en politique fédérale. Ce sera une des premières, en fait, un premier ministre québécois qui ensuite, après sa longue carrière, elle a été 15 ans, il faut le dire, à la tête de l'État québécois, qui décide de se lancer en politique fédérale. C'est une première. Et donc, Gouin rêve, beaucoup le disent, en tout cas, lui, il le dira jamais vraiment clairement, mais beaucoup disent qu'il rêve d'être premier ministre du Canada. Sauf que ça se passera pas très, très bien. Il y a beaucoup de clivages avec le premier ministre libéral de l'époque, Mackenzie King. Beaucoup de clivages idéologiques sur des questions comme le protectionnisme. Gouin est très protectionniste, Mackenzie King l'est moins. Il est beaucoup très autonomiste, c'est un progressiste qu'on appelle radical à l'époque, ce qui tranche beaucoup avec le conservatisme de Mackenzie King. Ouais. Et donc, les deux hommes ne s'entendent pas, vont souvent se chamailler ensemble. Gouin va souvent dire qu'il va souvent remettre sa démission et finalement, ben, il va évidemment un jour quitter parce que ça devient intenable entre les deux hommes. Et par la suite, il va devenir lieutenant-gouverneur. Ouais. Il espère d'abord être au Sénat, mais ce qui ne se fera jamais. Il est lieutenant-gouverneur et il va mourir en fonction lors de sa première activité au Parlement de Québec devant son successeur Louis-Alexandre Taschereau. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, ami de l'émission, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.